Trusting you, I will trust in you. ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit. Bénissez le Seigneur, élevez vos voix. Take away his bride. Are you ready? Are you ready? changé, elle changé. Mwihani vya havyanyu muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Weneye ebibi vyo osonyibwe. Oh, siname hegi chajaria. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, honey, viens, viens, nous, mon hindouké. Oh, tout bon et zambise, nous, mon badilike. Il est sorti.